Tâche finale. Jeux télévisés. Page 64. Activité 3. Réécoutez sur la place et prêtez attention aux intonations des personnages pour bien les imiter. Ensuite, mémorisez et répétez.